DA. La rue, la vraie. C'est nous les braves, c'est eux les traves. AD. Comment t'as français, Smer? Hein? Là t'as la paire, les bons vieux DA, c'est nous la rue la vraie. J'suis toujours impliqué, j'ai des mains faites pour l'or, mais elles sont dans la cesse. Mauvais comme mes fréquentations, mental tassé, transfert disciplinaire. J'ai fait le tour des pénitenciers, la prison, une petite mort, la pression. Quand j'entends un nouveau meurtre masqué en suicide, j'repense à Grisou. Une intervention et tu peux perdre la raison. J'baise l'administration, du ASS à la direction. Bon vieux c'est qui si c'est pas nous? C'est qui? Même enfermé on prend des ronds, bon vieux. Et j'comparais, souhaite-moi longue vie. Dealer DA sans le baveux, la chute est longue. De la rue j'ai déteint, forcément j'suis péto. J'ai fait le tour de ma ville, fait le tour du D1. En route j'ai vu combien de mes rentrées étaient tôt. Tous les jours j'veux me repentir, mais Shaitan me détourne. T'es dehors de promenade des années, t'es solo. Remonte et bigraf pour cantiner. La sortie c'est sur le mental, servira pour prendre quiche, t'avoir d'autres continents. Ça se termine en bas, personne à l'eau dos. Le soir j'esquive mauvais sort et je me dirai pourvu que ça serve. Garde pour nous où ça sort, j'suis comme Mounir ou Nassim. Et si je me retrouve là-haut, je parlerai qu'une fois au barreau. J'anticipe le mal, moi j'suis comme Gargamel. L'avenir est noir, moi j'viserai la lune comme Amel. Ils croient j'arbeule, 44 places et où ils verront pas. La marée plate, la vie est bonne. Faut que je la baisse comme Rihanna. Ça sent le bon sang. Et quand je dérive, y'a que maman qui me reprend, mais je fais comme avant. Tu aurais torturé, moi j'aime pas les tests. J'envoie la purée, je repars à la casse. De la rue j'ai déteint, forcément je suis pété. J'ai fait le tour de ma ville, fais le tour du D1. En route j'ai vu combien de mes rentrées étaient tôt. Tous les jours je veux me repentir, mais Shaitan me détourne. T'es dehors de promenade des années, t'es solo. Remonte et bigraf pour cantiner. La sortie c'est sur le mental, servira pour prendre quiche, t'avoir d'autres continents. Ils nous ont pas fatigués, pourtant on a fait des pètes paro. C'est juste pour nos parents, le placard non l'assume, c'est pas lourd. Comme un lasso j'ai le bras long, comme libérable je veux tarot. Demande ta France, y'a que des types au vécu d'art. En bas de la pyramide, la mort m'appelle et puis y'a plus d'amis. H24, 27 morts, billets verts, je suis ému, ravi. J'ai trouvé l'amour, j'ai gardé mes meilleurs amis. Dans les mots c'est bas, je les ai vus regretter. De la rue j'ai déteint, forcément je suis pété. J'ai fait le tour de ma ville, fais le tour du D1. En route j'ai vu combien de mes rentrées étaient tôt. Tous les jours je veux me repentir, mais Shaitan me détourne. T'es dehors de promenade des années, t'es solo. Remonte et bigraf pour cantiner. La sortie c'est sur le mental, servira pour prendre quiche, t'avoir d'autres continents. De la rue j'ai déteint, forcément je suis pété. J'ai fait le tour de ma ville, fais le tour du D1. En route j'ai vu combien de mes rentrées étaient tôt. Tous les jours je veux me repentir, mais Shaitan me détourne. T'es dehors de promenade des années, t'es solo. Remonte et bigraf pour cantiner. La sortie c'est sur le mental, servira pour prendre quiche, t'avoir d'autres continents.